ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, donc l'émission du logiciel libre et surtout de la culture libre. Alors vous êtes toujours sur Radio Béton 93.6 et on a la chance d'avoir Simon avec nous qui va être interviewé sur un projet super intéressant donc qui s'appelle OpenStreetMap. Et puis il y a aussi Emmanuel qui est avec moi pour lui poser les bonnes questions sur son projet, voilà. Alors, je sais pas, peut-être qu'on va te demander déjà d'expliquer un peu ce que c'est que OpenStreetMap de façon très générale. Alors, OpenStreetMap, c'est un projet de cartographie libre. Donc, sur le principe, ça ressemble à Google Maps, mais c'est différent. Alors, c'est-à-dire, c'est une carte où tous les utilisateurs vont pouvoir ajouter leurs données, modifier les données et réutiliser librement toutes ces données. Donc, sur le principe de Wikipédia, en fait. Donc, chacun est libre d'ajouter, de modifier, de réutiliser toutes ces données. J'ai eu l'occasion de voir sur le site d'openstreetmap.org, on rappelle l'adresse, l'avancement du projet, pour l'instant, ça me paraît assez disparate. C'est qu'il y a des zones urbaines qui sont très bien couvertes, par exemple le centre de Tours, mais Saint-Avertin, c'est vierge. Alors oui, le principe c'est que c'est tout le monde qui contribue, donc si quelqu'un connaît très bien le centre de Tours, il va faire le centre de Tours. S'il n'y a personne de Saint-Avertin ou qui connaît Saint-Avertin qui contribue, ça reste une zone un peu plus vierge. À terme, en fait, on espère avoir de plus en plus de contributeurs pour que toutes les zones soient couvertes. C'est ce qui fait aussi la qualité des données, parce que c'est des gens qui connaissent très bien leur quartier, qui cartographient leur quartier. Donc on arrive à des degrés de précision supérieurs à n'importe quelle autre source sur des zones bien précises. Alors, avant de parler de comment contribuer, peut-être qu'on peut parler de comment ce projet est né, enfin, comment on peut penser à faire un truc pareil, une carte virtuelle en partant de rien comme ça. Alors, le projet a été créé par un Anglais, donc il a démarré exactement sur Londres. Et donc c'est le créateur d'OpenStreetMap, Steve Coast, qui un jour avait besoin de données cartographiques, qui voulait rajouter quelques données, en enlever certaines, et donc il a cherché sur Internet différentes sources, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune donnée libre qu'il pouvait modifier. Toutes celles qu'il avait à disposition, gratuites ou payantes, il y avait toujours des licences qui empêchaient toute modification. Donc ce qu'il a décidé, étant donné que ça n'existe pas, je vais le créer moi-même. Et donc il a lancé le projet OpenStreetMap, donc c'était en 2004. Donc en 5 ans, on arrive à avoir une couverture en France qui est très disparate, mais certains pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre aussi, les États-Unis commencent à être très bien couverts. On a dit qu'OpenStreetMap c'était un peu sur le modèle de Wikipédia, et justement Wikipédia est souvent critiqué à tort par les médias un peu ignorants comme quelque chose de plutôt inexact parce que tout le monde peut modifier un peu ce qu'il veut. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de problème sur OpenStreetMap ? Il y a ce genre de problème aussi, mais on arrive en fait à plus de précision du fait que tout le monde puisse participer. Parce que si moi je trace une rue où je vais mettre un mauvais nom, il y a forcément une personne qui va lire derrière, surtout si c'est sur le centre-ville de Tours ou une zone très connue, qui va repasser derrière moi et modifier cette information. Après, sur les défauts de Wikipédia, il y avait aussi le fait que les guerres d'édition, qui sont moins présentes dans OpenStreetMap du fait qu'on a le terrain pour vérifier. Une rue, il suffit d'aller voir la pancarte dans la rue, c'est peu contestable. Effectivement, ouais. Alors, il y a une autre question que je me pose, c'est toi, comment t'en es arrivé à travailler sur ce genre de projet? Est-ce que c'est parce que t'en as eu un besoin au début, ou alors tu t'es dit, tiens, j'ai envie de contribuer à quelque chose, pourquoi pas ça? Alors, comment j'y suis arrivé? J'aime bien les cartes, je regardais sur Internet, et je suis tombé sur le projet 1.c'est-tout, qui est un projet qui ressemblait à OpenStreetMap, et qui a été abandonné depuis 2006, il me semble. Et donc, de lien en lien, je suis tombé sur OpenStreetMap. J'ai commencé à faire ma rue, comme beaucoup de contributeurs font au début. Et donc, après, la rue d'à côté, puis la rue d'à côté, on arrive à faire le centre-ville d'une ville, une ville, et plus en fonction du temps qu'on a. On va bientôt voir comment justement contribuer, comment participer à ce nouveau projet qu'est OpenStreetMap. Mais avant, on va se mettre un petit peu de musique quand même, parce que sinon, ça va pas aller. Et on propose un morceau d'un groupe dont j'ai oublié le nom, peut-être qu'Emmanuel, tu t'en souviens. On va passer une chanson du groupe hongrois Obsidian Shell. Et je crois que la prononciation du morceau, c'est Mektört Alom. Enfin, je l'écorche pas mal. Voilà, alors retour sur Vous êtes libre ce soir après ce morceau de Elysia, donc en Creative Commons by NCND. Alors, c'est plutôt un groupe de métal, mais là on a eu droit au morceau calme qui permet de se reposer tranquillement. Alors, on va reprendre l'émission sur OpenStreetMap. La question qui me vient à l'esprit, c'est comment obtenir toutes les données dont a besoin le projet en fait? Alors, on a plusieurs sources de données. La première source de données, c'est la promenade, c'est-à-dire on sort dans la rue avec notre carnet de notes, notre dictaphone pour certains, le GPS. Et donc, on enregistre notre itinéraire sur notre GPS. La plupart des GPS font ça très bien. Et ensuite, on reporte ces données donc sur le projet à partir de logiciels spécialisés ou directement en ligne sur le site d'OpenStreetMap. Il y a d'autres moyens. Donc, on peut faire à partir du cadastre la Direction générale des impôts. Nous a donné accès au cadastre pour faire un travail dérivé. Donc on a le cadastre en calque et on peut tracer nos routes à partir du cadastre et toutes les autres données, les bâtiments. Ensuite, il y a des communautés de communes et des communes qui font don de leurs propres données géographiques parce qu'elles considèrent que ces données ont été financées par les citoyens, donc elles doivent revenir directement aux citoyens, donc librement accessibles à tous. Donc il y a la communauté d'agglomération de Brest qui a fait l'import de tout le bâti de sa commune sur OpenStreetMap. Ensuite, il y a d'autres sources de données qui sont les photos satellites Yahoo. Donc Yahoo a donné pareil son autorisation de réutiliser ces photos pour compléter OpenStreetMap. Et on a aussi le projet européen Corine Landcover qui nous a fait don de toutes ces données. Donc c'est toute l'occupation des sols en France, donc qui a été importée, il me semble que c'est au mois de juillet. Et donc après, il y a certains organismes type IGN aux Pays-Bas, aux États-Unis, qui ont fait don de toutes leurs données, et en retour, ils ont droit à des mises à jour beaucoup plus régulières et fréquente que en le faisant eux-mêmes et beaucoup moins cher. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un problème par rapport à l'IGN en France. C'est pour Alors, ça peut-être que t'en as pas parlé dans les dons. l'IGN, certains contributeurs se disent que l'IGN est financée en partie par l'État, donc ils considèrent que c'est anormal de payer deux fois ses données, une fois avec ses impôts. Une fois en rachetant leurs cartes, parce qu'ils vendent leurs cartes, et donc aimeraient bien qu'ils fassent don de toutes leurs données à OpenStreetMap, ou au moins une partie. L'IGN a fait don d'une partie quand même de ces données, qui sont les fiches géodésiques, qui sont les pastilles de plomb qu'on retrouve sur les monuments ou certains endroits précis qui servent de repères aux géomètres. Et je crois qu'on aura bientôt l'occasion de voir une équipe de mappeurs d'OpenStreetMap en action, arpentant les rues avec leur petit GPS. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, déjà il y en a quelques-uns qui tournent dans Tours, même s'ils sont discrets. Il doit y en avoir une petite dizaine régulièrement sur Tours et les environs. Par contre, on a prévu de se réunir et d'expliquer à tout le monde et d'expliquer comment contribuer en détail. Donc c'est le 3 janvier, donc au centre social Léo Lagrange de 18h à 20h30 pour une explication d'OpenStreetMap. Et une explication comment ça marche et comment contribuer. Donc il y aura la même chose mais à un lieu différent. Donc c'est le 13 janvier à la Mambrolle, sur Choisille, à la maison. Alors là, c'est pas moi qui vais t'aider. Mais la MJC de la Mambrolle. Et donc il y en aura une deuxième le 13 janvier pour explication aussi à la MJC de la Mambrolle. Et pour mettre tout ça en pratique, on se réunira normalement, alors à suivre les news sur le site de Click. Donc ce serait le 30 janvier, le samedi, avec un rendez-vous au Serpent Volant, là pour cartographier et mettre tout ça en pratique. Et se faire expliquer par les plus expérimentés. Et nous qui sommes des libristes habitués aux install parties, je crois savoir que ça s'appelle des mapping parties. Voilà, petit clin d'œil au monde du libre. Donc ça s'est transformé d'install party en mapping party. Ou carto party pour certains. Pas de nom très défini. Ok, donc en gros, une mapping party prévue le 30 janvier pour s'y préparer une réunion le 5 à Léo Lagrange, une le 13 à la Mambrolle. De toute façon, on va redonner les liens vers le projet OpenStreetMap et puis aussi vers Click pour pouvoir avoir les dates de ces mapping parties. Alors bien sûr, vous qui nous écoutez, vous êtes les bienvenus à ce genre d'événement. C'est un événement sympa où on se promène en profitant pour cartographier. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un expert. On fera une prochaine émission pour expliquer un peu plus comment on contribue, hein. Oui. Et voilà. Donc, je pense que ce sera la semaine prochaine, normalement, l'émission sur comment contribuer. Donc, n'hésitez pas à écouter l'émission. Voilà. Je rappelle en vitesse l'adresse du blog de VELCS pour que vous retrouviez. Donc, www.velcs.info. Et vous aurez toutes les infos. Voilà, alors, bah, merci beaucoup, Simon. Et puis, bah, à la prochaine fois pour la suite, la partie comment contribuer. D'accord. C'était très sympa, donc salut. Salut. Salut.